Troisième chapitre, deuxième partie. 14 mars. Comme la chaleur est devenue intolérable, j'ai fait transporter mon matelas sur le pont, où j'ai dormi, plutôt mal que bien, selon mon habitude. Je me suis réveillée à 6 heures par le soleil qui émerge enflammé et sanglant de son lit salé. Madras est en vue. Note. Capitale de la présidence du même nom, 400 000 habitants. Fin de note. Cette cité, quoique beaucoup plus importante et plus monumentale que sa voisine, nous plaît moins que Pondichéry. Que je vous regrette, grand bouquet vert qui émaillait si coquettement la ville de Duplex. Trois grandes jetées ont été construites à prix d'or par les Anglais pour rendre supportable cette rade dangereuse. Les typhons les ont indéfiniment détruites et la mer passe et repasse par mille brèches sur ces remparts rongés dont elle reste définitivement maîtresse. L'ancre est à peine mouillée qu'une flottille de chélingues nous entoure et que notre pont est envahi par une centaine de sauvages poussant des hurlements affreux. Qu'on se figure le troisième acte de l'Africaine et on aura une idée exacte de notre situation. Nos matelots repoussent à coups de pied, de poing et de garcette ces ennemis pacifiques, mais par trop outrecuidants. Ceux-ci résistent tout en reculant. Les officiers du bord font leur apparition et la bataille se termine par une pluie de ces grands singes à la mer. Une seconde après, nouvel assaut et nouveau plongeon. Pendant cet intermède pyrrhique, deux des plus enragés nous saisissent et nous déposent, non sans tiraillement des voisins, dans leur embarcation. Il est inutile d'ajouter que ces pagailleurs sont des choristes non moins distingués que ceux de Pondichéry. Cette fois-ci, comme le pire est en réparation, il nous faut subir la barre. Note, ressac, fin de note. Bientôt les grandes oscillations commencent. Attention, 1, aïe, 2, hola, 3, ouf, ça y est. Notre équipage est déjà à l'eau. Deux des rameurs chargent chacun de nous sur leurs épaules, ruisselantes de sueur autant que d'eau, et nous portent à terre. Nous prenons un gari. Deux Indiens grimpent avec le saïs derrière notre boîte roulante et nous conduisent à People's Park. En nous y rendant, nous passons devant un édifice monumental. C'est la gare. Quoique nous ne soyons ni l'un ni l'autre amateurs de son style romano-byzantino-composito-anglais, nous avouons volontiers qu'elle fait un magnifique effet. People's Park consiste en un grand jardin assez mal entretenu, peuplé d'animaux, de reptiles et d'oiseaux, emprisonnés ou laissés libres, suivant leur plus ou moins de férocité et de sauvagerie. Je n'ai pas besoin de dire que les tigres font partie de la première catégorie. Ce sont les plus remarquables que j'ai encore vus. Pendant que nous parcourons ce parc, de grands oiseaux bêtes se promènent autour de nous en quête d'ombre. L'un d'eux même m'a tout à fait l'air de reluquer mon ombrelle. Tout coquet, brut. La végétation y est déjà moins puissante ici qu'à Pondichéry et la population est plus laide. De plus, les arbres sont couverts d'une poussière jaune désagréable à l'œil. Allons, ce n'est pas encore à Madras que nous viendrons prendre notre retraite. Le muséum renferme une riche collection d'antiquités hindoues et une grande quantité d'animaux et de poissons empaillés, plus d'abominables portraits de célébrités modernes, anglaises bien entendu. En revenant du port, nous traversons la ville noire, parfaitement sale et puante, à rendre des points à une fabrique d'engrais. Il est vrai que ces 400 000 pauvres diables d'habitants sont présentement décimés par une épidémie de variole qui les trousse en quelques heures sans leur laisser le temps de se parfumer. Habitants de Madras, qu'il est doux d'ajouter au plaisir de vous voir celui de vous quitter. Nous levons l'ancre vers midi. Au-dessus de notre prison flottante, des Milans décrivent les plus savantes arabesques sans quitter de l'œil les moindres déjections du Tibre. Et tout autour de nous, jusqu'à perte de vue, d'immenses échassiers en pain d'épices semblent marcher sur les flots. Ces imitateurs de Saint-Pierre sont des pêcheurs en catimaran. Figurez-vous, deux solives, longues d'environ 3 mètres, réunies par quelques tours de corde et sur ce radeau ultra primitif, balayé continuellement par les vagues, un être humain, nu comme un ver, ramant avec une cuillère. C'est le catimaran, qui n'a ni endroit, ni envers, ni avant, ni arrière, et qui est insubmersible, puisqu'il est toujours submergé. De plus, s'il survient un coup de mer, au lieu d'un catimaran, on en a deux. Je me figure que dans ces parages, les requins ne doivent pas mourir de faim. Au soir, un topaze tombe dans l'entrepont et se casse 3 côtes, et de 2. Note, topaze, métis indo-européen. Fin de note. 15 mars. Rien d'intéressant à signaler de toute la journée. J'assiste à un coucher de soleil superbe, puis vers 8 heures à un lever de lune particulièrement remarquable. Pendant que je regarde distraitement dans la nuit noire, la mer et le ciel pâlissent tout à coup et deviennent transparents. Une ligne sombre marque seule l'horizon. À ce moment, la lune, semblable à une énorme hostie, apparaît rutilante au-dessus de l'océan, qui se moire au feu. Le ciel devient rose, puis jaune pâle, puis blanchâtre, puis enfin bleu foncé. L'hostie est devenue blanche. Paolo Minora Canamus. Le mal de mer qui ne m'a pas quitté, que momentanément depuis mon départ de Marseille, m'abandonne. Est-ce le sauterne? Est-ce le champagne? Est-ce Brahma? Le fait est que je suis délivré et surtout stupéfait de ma délivrance. J'ai beau me tâter, me presser, me secouer, me pencher même. Rien, plus rien, rien ne va plus. J'entonne le Te Deum et j'esquisse malgré le roulis les plus zigzagants entrechats. Vive Dieu, mon noviciat est fini. Il a duré 29 jours. 16 mars, une grande frégate qui fouette l'air de ses ailes puissantes est la seule distraction de la journée. Il vente très frais. 17 mars, le golfe du Bengale est puissamment excité, le vent du sud-ouest devenant de plus en plus violent. À table, à chaque instant, je domine mon vis-à-vis qui me rend promptement mon salut. Nous sommes roulés pendant tout le jour comme dans un saladier. Je reste néanmoins ferme comme un roc. Vers 9 heures, la vigie signale les feux des pontons de l'embouchure de l'Ougli. Le vent mugit avec fureur dans les cordages. Tout est lugubre autour de nous. De lourds nuages épaississent encore la nuit et rendent l'obscurité complète. Tout à coup, à tribord, deux grandes formes noires apparaissent au-dessus des vagues furieuses, comme deux chauves-souris monstres. Est-ce le cortège d'Adamastor? Non, ce sont simplement les briques à voile des pilotes anglais, continuellement en croisière dans ces dangereux parages. Heureusement, nous avons avec nous notre palinure, car aucune embarcation ne pourrait tenir la mer. D'ailleurs, pas un feu ne paraît à bord de ces vaisseaux fantômes qui, après nous avoir frôlés, s'évanouissent dans la nuit. Comme complément à cette mise en scène étrange, tout au loin, des feux de Bengale ensanglantent à intervalles réguliers les crêtes des vagues. All right, les veilleurs des pontons sont à leur poste. Le vent devient bientôt d'une telle violence qu'il finit par nettoyer le ciel de tout nuage. Et la nuit, redevenue transparente, nous permet de nous rendre compte qu'aux flots noirs ont succédé des flots jaunes, non moins agités. Nous sommes à l'embouchure de l'oubli. Note, l'oubli, oubli, le bras occidental du Gange porte le nom d'oubli. Fin de note. À chaque instant, des paquets de mer inondent le pont. Il faut renoncer à se tenir debout, même en se cramponnant avec les mains. Je me réfugie donc dans un cadre que le docteur m'a fait disposer sur le pont. Note, cadre, sorte de hamac. Fin de note. À peine y suis-je qu'une vague m'inonde. Je suis trempée et archiventée et j'étouffe. Quel pays ! Enfin, vers 10 heures, le vent mollit. L'oubli se calme, le Tibre se recueille et la lune se montre au-dessus d'un amas de nuages bousculés vers l'est par l'ouragan. À 11h30, le vent tombe tout à fait. Nous apercevons le feu de l'île de Sogor, émet des alligators et des tigres. À 1h, nous jetons l'ancre et Morphée daigne me recevoir. 18 mars. Au réveil, pendant que je m'étire, un joli petit oiseau noir et jaune fait à mes pieds la chasse aux mouches. Des papillons viennent maladroitement se cogner contre nos cordages. Et au-dessus des tamaris, le soleil luit déjà comme un sou neuf. Tout cela sans le plancher des tigres. Cependant, nous restons toujours ancrés. La marée, qui doit nous permettre de remonter le roi des fleuves, ne se faisant pas encore sentir. Au point où nous sommes, l'oubli ressemble absolument à un fleuve européen dont les dimensions seraient exagérées. Vers 9h, le flux arrive. Nous voguons vers Calcutta. À mesure que nous avançons, la végétation s'accentue, puis les cocotiers et toutes les plantes tropicales apparaissent et encadrent merveilleusement ce fleuve majestueux. De distance en distance, sur chaque rive, nous remarquons de petites tours carrées. Ce sont des refuges pour les naufragés qui y trouvent un abri contre les fauves, des provisions de bouche, du bois, de l'eau, ainsi qu'un inventaire du matériel, un avis invitant les sinistrés à allumer des feux de détresse, à économiser les vivres et sans doute à remettre la clé à sa place quand ils quitteront le local. Ces diables d'anglais pensent à tout. De petits bateaux à vapeur sont chargés de renouveler de temps en temps les provisions. Ces précautions sont malheureusement nécessaires, les sables mouvants et les cyclones rendant très dangereuse la navigation dans l'oubli. Tout en admirant les points de vue variés devant lesquels nous glissons doucement, je note, entre autres oiseaux, nouveaux pour moi, des spatules, de grands courlis noirs et blancs et des aigrettes. À 2h, nous doublons un dernier coude, Cap des Épiciers, et la capitale des Indes nous apparaît étincelante à travers une forêt de mâts. Bientôt, à notre droite, une succession de kiosques, de cages et de palais en terrasse, entourés de bosquets verdoyants, défilent devant nous. C'est la résidence du roi prisonnier Daoud. Toutes ces constructions sont de mauvais goût, mais l'ensemble plaît par son originalité et son coloris. Au-dessus de chacun des nombreux clochetons de ce salmi de palais brillent et se reflètent dans l'eau du fleuve un soleil d'or. Si le soleil est encore l'emblème du royal captif, Nec pluribus impar n'est pas à coup sûr sa devise. À 3h, nous sommes à hauteur de Garden Reach, où nous mouillons. Après les pourparlers obligatoires avec l'agent des douanes, nous descendons à terre dans une sorte de grand caïque, non sans avoir sincèrement remercié l'excellent commandant Lugan de ses bons soins pour nous. Les Bengalis sont plus calmes que les Tamouls de Madras et de Pondichéry. Ils ne s'arrachent pas trop brutalement nos personnes et nos bagages. En revanche, le remous produit par le passage d'un remorqueur manque de faire chavirer notre embarcation. Au débarcadère, nous attend un péon porteur d'une lettre de Monsieur E, ami de mon camarade, qui nous invite à descendre directement au Bengal Club. Comme nous parlons l'anglais infiniment moins bien qu'une vache espagnole, nous refusons cette offre gracieuse et nous nous faisons conduire à l'hôtel de Paris, tenu par un Français. Tout ce que je vois en me rendant du débarcadère à l'hôtel ne m'enthousiasme pas. La cité des palais m'a plutôt l'air d'être la cité de la poussière. Note, la cité des palais, surnom de Calcutta. Fin de note. L'herbe de l'esplanade que nous longeons est rongée par le soleil, les arbres sont poudreux, le fort William ressemble à un fort d'opéra comique et quelques Indiens même ont des bottines claquées. Cependant, les nuées de Milan et de Choucas qui nous entourent, les femmes insuffisamment vêtues et les coulis suants qui vont et viennent de toutes parts me rassurent. La couleur locale n'est pas morte et je suis bien réellement dans l'Inde. Mais quelle profusion de statues équestres, on dirait d'un musée en plein vent. Décidément, jusqu'à nouvel ordre, je baptise Calcutta la cité des statues. À peine arrivé à l'hôtel, nous apprenons la prise de Bac Nin. Cette victoire nous met momentanément la joie au cœur et nous sablons gaiement le champagne en l'honneur du succès de nos armes. Ce patriotique et facile devoir accompli, nous nous mettons au courant des usages et des obligations du pays. Pour 7 roupies par jour, un loueur nous fournit une sorte de coupé Clarence à persienne, passablement attelé de 2 Australiens alezans avec un cocher hindou à moustache superbe et 2 saïs dont les yeux sont plus grands que les lanternes de leur véhicule. Note. Roupie. La valeur de la roupie varie selon le cours de la bourse. Sa valeur moyenne est de 2 francs 12. Fin de note. À 7 heures, en frac et irréprochablement cravaté de blanc, nous nous rendons au Bengal Club, dont le comité a bien voulu nous recevoir comme membres honoraires. Vers 10 heures, nous quittons nos hôtes pour Corinthian Theatre, où l'on joue une comédie burlesque à succès pour Miss de Grey. Malgré les nombreux punkas et les grands éventails que les Indiens de l'établissement agitent autour de nous, nous fondons. Comme compensation, l'orchestre joue seulement pendant les entr'actes et il n'y a pas d'ouvreuse. Voilà 2 usages que beaucoup de directeurs européens devraient adopter. On n'aurait ainsi à subir ni le fracas de l'un ni l'obséquiosité intéressée des autres. La température reste si étouffante que je me fais donner du punka toute la nuit. Fin de la 2e partie du 3e chapitre.